tête brûlée, dur à raisonner. Donc j'ai pas de chance en amour. J'suis en bas à tour avec la tête du réseau et le gérant du four. Après minuit, on se voit si tu veux. Mais à midi, j'dois retourner bosser. Tu me disais arrête, va chercher du taf, sinon laisse tomber. Je veux pas que le père de mon fils fasse le bandit. Et qu'à 6h on vienne le chercher chez moi. Mais moi je t'écoutais pas, je coupais les loquis. Parce que les veines des Yankees faisaient de l'eczéma. Nouvelle, y'a cette nouvelle location. Elle me disait bébé fais attention. Bah ouais, quartier disciplinaire de Fleury, je suis en rotation. Oh mamacita, est-ce que tu me supportes un râteau dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la cahier. Capturé par les Mila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquant de la caille. Quand je peux me faire capturer par les Mila. Un dernier coup de fil, un dernier yo-yo. Et mon cœur passe par la fenêtre comme le yo-yo. Je me rappelle de nous, je me rappelle d'avant. Y'a rien qu'à changer, non même pas ton numéro. Euro, euro, euro, euro. Je sais que ça peut gâcher ma vie. Juste toi et moi à bord du vaisseau. Les deux pieds dans la Ferrari. Tes liens en dessous du lit. Inséparables comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit de gros bonnet. Mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Tes liens en dessous du lit. Inséparables comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit de gros bonnet, mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la caille. Quand je peux me faire capturer par les Mila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la caille. Quand je peux me faire capturer par les Mila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la caille. Quand je peux me faire capturer par les Mila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquant de la caillette. Quand je peux me faire capturer par les mbilas.